Chapitre 8e. Quelques minutes après le départ de Zampa de l'hôtel de Salandrera, le duc, qui avait lu fort attentivement la lettre du colonel de Châteaumailly à son parent, vit entrer Concepcion dans son cabinet. La jeune fille était un peu pâle, mais sa démarche était assurée, et son regard s'arrêta sans hésitation sur le visage du duc. « Bonjour, mon enfant, lui dit ce dernier. Vous venez à propos. J'allais vous faire demander. Vous désiriez me voir, mon père ? Oui. Moi aussi, dit Concepcion. Mon Dieu, fit le duc, comme vous avez l'air solennel, mademoiselle. C'est que j'attache une grande importance à l'entrevue que je souhaite avoir avec vous, répondit Concepcion. Ah, fit le duc en souriant, mais c'est tout à fait le ton d'un ambassadeur. Concepcion s'assit. Mais auparavant, mon père, dit-elle, seriez-vous assez bon pour m'apprendre dans quel but vous désiriez me voir ? Oui, certes. Je vous écoute, mon père. Concepcion, mon enfant, reprit le duc, je veux vous parler de votre mariage. Concepcion tressaillit, mais il répliqua sans hésiter, moi aussi, mon père. Je voulais vous dire, continua le duc, que j'avais prié à dîner monsieur le duc de Châteaumailly. Je venais précisément vous prier de le faire, mon père. Le duc parut étonné. Concepcion reprit. Je vous aime plus que tout au monde, mon père, et j'aurai toujours une grande soumission à votre volonté. Elle prononça ces mots avec une émotion qui fit tressaillir le duc. « Mon Dieu, que voulez-vous dire, mon enfant ?»« Mon père, continua la jeune Espagnole, vous êtes un vrai Hidalgo, et la pensée de transmettre votre nom et vos armes à un homme ayant le droit de les porter est trop noble pour que j'ose vous présenter des observations. Mais si monsieur de Châteaumailly ne vous prouve pas son origine ?»« Il me la prouvera, dit le duc. Voyez cette lettre, ma fille. » Il tendit à Concepcion la lettre que M. de Châteaumailly avait reçu le matin même de son parent le colonel. Concepcion la lut et la rendit froidement à son père. « Ceci est clair, dit le duc. « Mon père, reprit Concepcion, si M. de Châteaumailly est réellement de la race des Salandrera, si les papiers qu'il produira à l'appui sont réellement authentiques, mais, interrompit le duc, vous paraissez en douter. « Oui, mon père. Vous êtes folle, peut-être. Et à moins que le duc ne le soit pareillement, mon père. » dit Concepcion, avec une véhémence subite. « Le duc de Châteaumailly est un imposteur !» Le duc recula, abasourdi. « Je ne sais si je suis folle, mais ce que je sais, c'est que la comtesse Artoff, cette femme perdue, au repentir de laquelle tout le monde avait cru, a imaginé avec M. de Châteaumailly cette histoire de papier. « Ah, par exemple !» s'écria M. de Salandrera. « Une pareille infamie. Peut-être pourrais-je vous en donner la preuve. Vous, ma fille ?» « Moi, mon père, je ne sais si M. de Châteaumailly produira les deux pièces dont il parle et qui, il me semble, se font attendre bien longtemps, mais j'ai la conviction qu'elles sont fausses. » Et Concepcion prononça ces mots avec un accent de persuasion qui émut fort le duc. « Mon père, poursuivit-elle, vous me voyez à vos pieds, implorant justice. » Et Concepcion se mit à genoux, mais le duc la releva aussitôt. « Parle, mon enfant, lui dit-il avec un élan de tendresse, ne suis-je pas ton père ?» Ton père qui t'aime. Eh bien, dit Concepcion, il est un secret que je ne puis vous révéler, car ce secret n'est pas à moi. Mais je vous supplie de croire à mes paroles. Le duc de Châteaumailly est un ambitieux et un imposteur. Mais, s'écria le duc, tu lui es donc cet homme que je te destinais pour époux? Oui, si ce que je crois est vrai. Non, si j'ai été trompé. Et dans ce cas, murmura Concepcion, je serai sa femme, si vous le désirez, mon père. Les paroles de la jeune fille bouleversaient complètement la manière de voir de M. de Salandrera. Il avait bien été un moment ébranlé dans ses convictions par le récit de la baronne de sa Maxence. Le rapprochement établi entre la non-réception de la lettre que la comtesse Artoff lui avait adressée et la destruction par le feu du mémoire que le colonel de Châteaumailly avait envoyé à son parent. Mais la lettre de ce dernier arrivée le matin, lettre portant le timbre d'Odessa et ceux des différents bureaux de poste, où elle avait séjourné dans son long parcours, était venue raffermir toutes ses croyances. « Prenez garde, ma fille, » dit-il enfin, « songez que monsieur le duc de Châteaumailly a la réputation d'un galant homme. »« Les réputations sont parfois menteuses, mon père, » répondit Concepcion. L'accent de la fille était si ferme, si convaincu, que monsieur de Salandrera finit par s'écrier « Mais prouvez-moi donc ce que vous avancez, mademoiselle. »« J'espère vous le prouver. » « Comment ?» « Vous connaissez mon atelier de peinture ?»« Oui. »« Vous savez qu'il existe à côté un cabinet dont la porte est masquée par une tapisserie des gobelins. Parfaitement. Ce cabinet correspond avec un couloir qui rejoint l'escalier. Je le sais. Où voulez-vous en venir ? Mon père, dit gravement Concepcion. Un homme peut mentir effrontément à un homme comme le duc vous a menti. Mais il n'a point la même assurance en présence d'une femme, quand cette femme est celle qu'il aime ou prétend aimer. Le duc vous aime, mon enfant. Soit, je veux le croire. Et vous devez bien penser que sa fortune personnelle le met à l'abri. Mon père, interrompit Concepcion, vous ne refuserez pas votre enfant de vous prêter au seul moyen qu'elle ait peut-être de vous prouver ce qu'elle avance. Soit, expliquez-vous. Il faut que vous invitiez le duc à venir ici. C'est fait, il dîne avec nous. Aujourd'hui, aujourd'hui même. C'est bien, dit Concepcion. Après le dîner, j'inviterai le duc à venir voir mes tableaux. Je le ferai monter dans mon atelier. Alors, Concepcion s'arrêta. Alors, fit le duc, vous, mon père, vous monterez l'escalier dérobé. Vous entrerez dans le cabinet et vous vous y cacherez. Ah, ma fille, c'est là un subterfuge indigne de gens comme nous. En ce cas, mon père, répondit froidement Concepcion, je retire tout ce que j'ai avancé. Monsieur de Châtemaille est un galant homme, et je suis prête à l'épouser. Il y avait une telle amertume railleuse, un tel désespoir dans les paroles de Concepcion, que monsieur de Salandrera en fut ému. Soit, je ferai ce que vous voudrez. Oh, ce n'est pas tout, mon père. Voyons, fit le duc, dominé malgré lui par l'insistance de la jeune fille. Il me faut votre parole, mon père. Votre parole de Salandrera, que quoi que je dise ou fasse, si extraordinaire, si extravagante que puissent vous paraître mes actions et mes paroles, vous serez muet et immobile. Je vous le jure, mon enfant. Concepcion prit la main du duc et la porta respectueusement à ses lèvres. Vous êtes noble et bon, murmura-t-elle, et votre enfant vous aime comme les anges aiment Dieu. Concepcion s'approcha alors du bureau de M. de Salandrera et écrivit le billet suivant. Monsieur le duc, mon père me dit que je dois être et que je serai votre femme. Je ne puis que m'incliner devant sa volonté paternelle. Mais auparavant, me refuserez-vous une heure d'entretien ? Je ne le pense pas. Vous dînez à l'hôtel ce soir ? Après le dîner, serez-vous assez bon pour monter dans mon atelier ? Je vous le demande avec instance. Je descends jusqu'à la prière. Votre servante, Concepcion de Salandrera. Cette lettre écrite, la jeune femme la montra à son père, puis elle la donna à porter par un balai de pied. Revenons à M. de Châtemaille que nous avons vu quitter brusquement ses écuries pour monter s'enfermer chez lui et cacher la joie que lui faisait éprouver l'invitation de M. de Salandrera. Il y était à peine depuis 5 minutes que Zampa entra. Le duc se retourna brusquement vers lui. « Ah ça, tu montes donc des chevaux fourbus ?»« Je ne comprends pas la question de M. le duc. » Je veux dire que tu passes un temps infini à aller d'ici à l'hôtel de Salandrera et à en revenir. Il y avait plus d'une heure que tu étais parti quand tu es revenu. Dame, répondit Zampa, monsieur le duc m'excusera. Pourquoi ? Parce que, dit le portugais, mademoiselle Concepcion m'a fait appeler. Le duc rougit comme un écolier. Et tu l'as vue ? Sans doute. Elle t'a parlé de moi, naturellement. Et Zampa, regardant le duc avec un sourire mystérieux et plein de finesse, ajouta « Monsieur le duc se moque de moi en me faisant une semblable question, car il sait bien que ce n'est pas pour me parler ni d'elle ni de moi que mademoiselle Concepcion m'a fait venir. »« C'est juste, » murmura le duc, dont le cœur battait violemment. Zampa venait de prendre l'attitude sérieuse et digne d'un ambassadeur. « Et que t'a-t-elle dit ?» demanda monsieur de Châtemaille. Pour toute réponse, Zampa tira une lettre de sa poche et la lui présenta. Cette lettre, signée simplement d'un C, émanait de la plume de Rocambole, l'habile faussaire. Le duc crut reconnaître l'écriture de la jeune fille. Il brisa le cachet et lut. Les événements marchent avec rapidité. Cette entrevue que je dois avoir avec vous et dont je vous parlais, il faut qu'elle ait lieu ce soir. Il le faut absolument, mon ami. Vous venez dîner à l'hôtel. En sortant de table, je vous prierai de monter dans mon atelier. Oh, vous que j'aime, et dont je serai fier de porter le nom, relisez, je vous en supplie, ma première lettre. Pesez-en bien toutes les recommandations, et quelque pénible que soit le rôle que la fatalité me force à vous imposer, je vous le demande à genoux. Ayez le courage de le jouer jusqu'au bout. notre bonheur à venir en dépend d'une manière absolue, peut-être. P.S. Peut-être vous écrirai-je tout à l'heure un petit billet bien sec et bien officiel. Signé C. Cette lettre rendit le comte tout rêveur. « Je ferai ce qu'elle veut, » se dit-il. « Mais que peut signifier tout cela ?» Comme le duc avait encore plusieurs heures devant lui avant de pouvoir se présenter à l'hôtel de Salandrera, il demanda un cheval de selle et gagna les Champs-Élysées. Il fit le tour du bois et revint par la rue de la Pépinière où il descendit à l'hôtel Hartoff. Monsieur de Châteaumaillie avait le vague espoir que le courrier de Dessa pouvait être arrivé. Il s'en informa auprès du Suisse, mais le Suisse n'avait encore vu personne. « C'est réellement extraordinaire, » pensa le duc en s'en allant, « qu'une estafette mette 3 jours de plus qu'une lettre venue par la poste. Serait-il donc arrivé malheur à ce courrier ?» Cette pensée donna le frisson à M. de Châteaumaillie, mais une réflexion fort sensée qui lui vint le rassura. « En admettant pareille chose, » se dit-il, « les dépêches qu'il porte, n'ayant de valeur pour personne autre que moi, elles ne seraient jamais perdues. On les retrouverait, et c'est l'essentiel. » Le duc rentra chez lui vers 4 heures environ. 2 heures seulement le séparaient encore de l'instant où il verrait Concepcion. Zampa attendait son maître dans le cabinet de toilette. « Faut-il habiller, monsieur le duc ?»« Sans doute. »« C'est que, » dit le valet, « il est venu une nouvelle lettre de l'hôtel de Salandrera. » Le duc crut à un contre-ordre, à une indisposition subite de madame ou de mademoiselle de Salandrera, et ce fut en tremblant qu'il prit sur une table la lettre que Zampa lui indiquait du doigt. Mais il respira sur le champ en reconnaissant l'écriture de Concepcion. Cette fois, c'était elle qui lui écrivait, et cette lettre que le duc ouvrit n'était autre que celle qu'elle avait tracée sur le bureau de son père et que Rocambole avait prévue sans doute, puisque l'autre émissive, signée d'un C, annonçait un petit billet bien sec et bien officiel. Le duc ne chercha point à commenter chaque mot de cette dernière épître comme il le faisait des autres. Évidemment, celle-là avait été écrite sous les yeux de quelqu'un et ne pouvait donc avoir rien que d'officiel. Mais une réflexion frappa le duc. Sous les yeux de qui Concepcion avait-elle écrit cette lettre? Ce ne pouvait être, il le pensa du moins, devant M. de Salandrera. Devant qui donc? Sans doute, se dit-il, les personnes ou la personne qui exerce sur elle une pression si extraordinaire, une influence si étrange. Comme s'il eût deviné les pensées de son maître, Zampa se permit de dire, quand il vit M. de Châteaumaillie serrer le dernier billet de Concepcion dans un tiroir, « Je suis persuadé que Mademoiselle Concepcion donne un rendez-vous à monsieur. » En toutes circonstances, le duc eut toisé son valet et n'eut pas daigné lui répondre. Mais Zampa avait été élevé au rôle de confident. C'était par Zampa que le duc avait des nouvelles de celle qu'il aimait. Zampa, en un mot, était presque le trait d'union qu'il reliait mystérieusement à la jeune espagnole. Aussi, M. de Châteaumaillie se contenta-t-il de le regarder et de lui dire, sans irritation et sans colère, « Hein, tu crois ?»« Dame, » fit Zampa, clignant de l'œil, « Mademoiselle de Salandrera a besoin de voir monsieur, de se trouver en tête à tête avec lui. » Le duc tressaillit. « Tu sais cela ? » dit-il. « Oui, monsieur. » Et Zampa prit l'attitude mystérieuse d'un homme qui sait bien autre chose encore. « Seulement, » ajouta-t-il, « si monsieur le duc voulait me permettre, quoi ?» de lui donner un conseil. Voyons. Monsieur le duc et Mademoiselle Concepcion se trouveront seuls probablement ce soir. Mais monsieur le duc doit savoir, pour sa gouverne, que les murs ont parfois des yeux et des oreilles. Ah, dit le duc, et il regarda attentivement le portugais. Voyons, lui dit-il, tu en sais plus que tu en dis, je parie. C'est bien possible, répondit Zampa. Alors, que sais-tu ? Pendant que j'étais chez Mademoiselle Concepcion ce matin, la duchesse est entrée. Sa mère, précisément. La duchesse n'a pas fait attention à moi, mais elle a dit à sa fille, tout bas, en espagnol, « Il faut que ce soit pour ce soir. Il le faut. » Et, demanda le duc, qu'a répondu Mademoiselle de Salandrera, elle a pâli et rougi tour à tour, mais elle a baissé le front et a répondu, « Soit, je lui écrirai. Est-ce tout ?»« Non, monsieur. » La duchesse a prononcé votre nom. Comme elle parlait très bas, je n'ai entendu que ces mots. Oh, je le hais. Était-ce donc de moi qu'elle parlait ? Demanda le duc. Sans doute. Mais pourquoi ? Comment peut-elle me haïr ? Tiens, dit Zampa, c'est facile à comprendre. Vous gênez son protégé. C'est juste, murmura M. de Châteaumaillie. devenu tout rêveur. Zampa achevait de l'habiller comme 5 heures sonnaient. « Demande mon carrosse, » lui dit le duc. À 6 heures moins quelques minutes, monsieur le duc de Châteaumaï se présentait à l'hôtel Salandrera. « Madame la duchesse attend monsieur le duc au salon, » lui dit le laquais, qui le précéda pour l'introduire.